à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four en confinement numéro 6, le home recording numéro 6. Et c'est la saga numéro 451. C'est l'album de la semaine. Il n'y en a pas. C'est un spécial George Harrison que nous a concocté Jean-Philippe Harrison. C'est lui qui est responsable de l'intégralité de ce que vous allez entendre ce soir dans la saga. Je dis ce soir parce que pendant le confinement, je vous propose le podcast un petit peu avant et je compte sur vous pour l'ouvrir le mercredi de l'émission, à savoir ce jour-là, ce sera le 22 avril à 20h02. Juste le temps pour vous, pour nous, puisque j'en fais partie, d'aller applaudir les soignants à la fenêtre. Vous revenez pour 20h02 et on démarre à 20h02 la saga des Fab Four, de façon à ce qu'on soit tous ensemble. Voilà. Je m'entends mieux, c'est mieux. Merci à la technique d'avoir augmenté le son pour mon casque, c'était pas terrible. Nous allons entendre donc du George Harrison et des Beatles. Il y aura un invité également, vous verrez ça tout à l'heure. Et je vais vous citer les 5 premiers si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Il y aura All Things Must Pass sur l'album du même nom, All Things Must Pass, en 1970. Il y aura Hottest Gang in Town. Je dois avouer que je ne le passe jamais parce que je n'y pense pas, alors que c'est plutôt sympa. Merci Jean-Philippe d'avoir pensé à cette chanson-là. Cheer Down sur l'album Best of Dark Horse 1976-89, sorti en 89. Il y aura Cloud Nine et la dernière chanson, on revient à Hotel The Space puisque la règle ne s'applique pas lorsque c'est un invité. Ce n'est pas une chanson par album, c'est comme vous voulez. Et ce sera Beware of Darkness, extrait de All Things Must Pass. Voilà, on est déjà prêt, donc lançons l'émission. La saga des Fab Four 451C, ça démarre maintenant. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. A tout de suite. imaginez le porte-monnaie du fan des Beatles en 1970. En 1970 sort The Beatles Again, qu'on appelle aussi Hey Jude. C'est une compilation des Beatles. Il sort également Ringo Starr, Sentimental Journey. Paul McCartney, qui s'appelle McCartney. L'album Let It Be, enfin, sort en 1970. Ringo Starr nous sort un deuxième album, Bokoops of Blues. George Harrison, celui dont on va parler, nous sort All Things Must Pass. John Lennon, Plastic Ono Band. Et il faut acheter tout ça, parce qu'il ne faut rien manquer, c'est absolument fabuleux. On peut dire que pour l'album All Things Must Pass, c'est lui-même qui l'a dit, il est sorti en novembre 1970. Le George Harrison était un peu serré à côté des deux grosses têtes que sont Paul McCartney et John Lennon. Il proposait des chansons, mais on lui disait « Ouais, c'est bien. On va plutôt mettre une des nôtres, mais c'est bien. » Donc ces chansons ne passaient pas. Il les stocke, il en donne quelquefois à d'autres. Et puis finalement, quand les Beatles se séparent, il est presque content, il se relâche, comme s'il avait eu une diarrhée musicale, on va dire. Mais quelle belle diarrhée. Difficile à dire autrement. Avec cet album fabuleux, All Things Must Pass. On attendait cette année-là John et Paul. On aura d'abord George qui va truster les premières places avec cet album qu'il vous faut avoir dans votre CD Tech. C'est absolument très très bon. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album. Il n'y a que des bonnes chansons et c'est vraiment très bien. Hottest Gang in Town, je pense que vous l'avez très rarement entendu dans la saga. Voici cette chanson. Someone else that you ought to know about, a little cat named Sifu Yao. And down in Chinatown, he's pretty well renowned. And is he ready to get happy? He can beat it out. Look out, brother, now he's got the hottest gong in town. Was boss long, long time ago, and afterwards he kicked the can. That's when Mr. Yao became the number one. So if you're ready to get happy, you can meet your sister. Look, I tell you, brother, he's got the hottest gong in town. Dancing on the floor, so is you ready to get happy? I tell you, don't delay. Come on, baby, hear him play. He's got the hottest gong in town. Ready to get happy, he can beat it the hottest gong in town. Sorti en août 1989, si on aime les joutes complices entre guitaristes de talent, Cheer Down est un modèle du genre. En droite ligne de la production de Cloud Nine, on va y revenir dans quelques instants, ce titre figure dans la bande originale du film L'Arme Fatale 2 et qui confirme le retour de George Harrison en grande forme, y compris dans ce genre rock élancé et fluide. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. J'ai dit qu'on allait revenir sur Cloud Nine, justement, c'est un album qui revient après 5 ans de silence entre 1982 et 1987. Maintenant, avec le recul, ça nous paraît peu, ça arrive à tellement de groupes de rester silencieux pendant longtemps. Mais à l'époque, on espérait chaque année un album de Nofab, et quand ça ne venait pas, ça faisait du mal. On se disait, oula, il a arrêté, il a essayé, c'est fini. Voilà. Mais heureusement, il était parti déçu, il en avait marre du show business, il a regardé les plantes pousser dans son jardin pendant un certain temps, pendant 5 ans. Et lorsqu'il revient en 1987 avec Cloud Nine, c'est un retour gagnant, avec Jeff Lynne, avec Elton John, Eric Clapton évidemment, et puis d'autres. Il nous concocte un album sur mesure, dont voici le titre éponyme, Cloud Nine, dans la saga des Fab Four, confiné à la maison. Have my love, it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. My smile and my heart, they rose from the start. The pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine.

each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting see we're all the same. saga spéciale George Harrison. George Harrison à son meilleur aujourd'hui dans cette saga Home Recording numéro 6, puisque c'est une saga de confinement et c'est la 451e, il me semble, 451e c'est pour confiner, que je vous propose à ceci près que ce n'est pas moi qui ai composé la playlist, c'est Jean-Philippe Harrison et on le remercie. Il a choisi également de nous proposer George Harrison dans un album qui s'appelle George Harrison. Oui, il ne s'était pas foulé. C'était en 1979 et le titre que Jean-Philippe vous propose, c'est Blow Away. C'est la saga des Fab Four que vous retrouvez pendant le confinement, en enregistré directement en podcast et on commente sur le groupe Facebook, dans le groupe qui s'appelle tout simplement La Saga des Fab Four. L'avantage de vous laisser de temps en temps la main pour faire une programmation, c'est que vous avez des choix que je ne prendrai pas peut-être par rapport au statut que je me suis fixé personnellement lorsque j'ai créé cette saga. Par exemple, My Back Pages, une chanson qui célébrait, enfin qui était dans un concert célébrant les 30 ans de carrière de Bob Dylan en 1993, hein, donc ça fait déjà un moment. Il avait invité des tas de copains, notamment George Harrison, il y avait aussi Eric Clapton et d'autres. Et cette chanson-là, My Back Pages, est chantée par tout le groupe. Il y a Roger McGuinn, il y a Tom Petty, Eric Clapton, bien sûr, George Harrison, et aussi Bob Dylan, qui, à l'époque, avait encore de la voix. Voici cette chanson. Living on and become my enemy. live, s'il vous plaît, le concert pour les 30 ans de carrière à l'époque, en 1993, de Monsieur Bob Dylan, avec donc George Harrison, et plein de copains. On reste dans l'album All Things Must Pass, qui plaît à Jean-Philippe, qui a réalisé l'intégralité de la playlist. Il a raison, c'est un excellent album. Voici Let It Down dans la saga des Fab Four, surérigé en temps normal sur 90.7 et ou sur www.erigfm.fr. Et j'espère bien que lorsque le confinement sera terminé, un de ces jours, vous reviendrez sur RIG, parce que je ne ferai pas des podcasts tout le temps. Voici donc Let It Down. Thank you.

Si vous avez entendu le miaulement de ma petite chatte, qui s'appelle Luna, eh bien, c'est la preuve que j'enregistre bien à la maison, que je ne vais pas en douce à la radio pour pouvoir vous prodiguer cette saga des Fab Four numéro 451C. C'est pour confinement, une émission que j'enregistre à la maison, donc pour vous, et que je vous propose de découvrir le 22 avril, le mercredi. On la met tous ensemble en route à 20h02. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que vous l'avez fait, j'espère. Et on commente sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Voilà. Cette chanson-là, c'est un grand, grand moment, une masterpiece, comme on dit, de George Harrison. Il faut énormément de musiciens. Je vous propose de le regarder sur le DVD The Concert for George Harrison, qui est absolument fabuleux pour quand on voit, je ne sais pas, 4, 5 guitaristes, 3 batteurs en train de jouer Wah-Wah sur R.I.G. Give me a word.

ne sais pas si je vous l'ai dit un jour, mais cet instrumental, au début de la saga des Fab Four, c'était le générique. C'était, ça a assez vite changé, je crois que je l'ai gardé quelques années, mais pas beaucoup. Et le Rockestra Theme que vous entendez depuis très longtemps, sur 36 ans d'émission, ça doit bien faire pas loin d'une trentaine d'années que je l'ai adopté. Je ne sais plus exactement, vous savez, le temps passe très très très très vite. D'ailleurs, il nous reste encore une 12-13 chansons à passer, quelque chose comme ça. Et ce sera la fin de cette saga des Fab Four confinée. Une saga des Fab Four qui a été préparée par Jean-Philippe Harrison, que je remercie, grand fan de George Harrison, évidemment. Pour avoir un pseudo comme ça, ça paraît évident. Et c'est une saga enregistrée à la maison. C'est la 6e depuis le début du confinement. Retour à Gontropo avec Circle. Érigé en temps normal, c'est la radio des Beatles. Friends come and friends go, so I go round and round in circles. Love someone, change your mind, side even as a swine, so you go round and round. In circles, he who knows does not speak, he who speaks does not know, and I go round in circles. Dislike someone and will not bend, later they may become yours. Our date, with life and death along the road, the soul reincarnates, the show goes round and round in circles. When loss and gain and up and down comes the same, then we step gone in circles. Cette chanson aussi, Circles, vient des sessions de l'album blanc et a été rejetée de l'album blanc en 1968. Elle apparaît donc en 1982 sur l'album Gontropo de George Harrison. Anybody want some refreshments? Officer, once my eyes could see you. No sooner had I hooped it down, I felt so far from the ground I'd stood on. My legs seemed to me like high-rise buildings. My head was high up in the sky. My skin, the sun began to fry like bacon. Then somebody overheard and asked, did I come far? And hadn't they just seen me up on Halley? I said, oh, well, kept on body surfing to pretend I hadn't heard. There was some of them beside me swimming like Richard the Third. I'm still smiling. Swam seven sacred pools. Lone Ranger smoking doobie said you're breaking all the rules. Better get your clothes on or else I'd be around. If it wasn't for my sunstroke, I would take you on right now. I'm still smiling. I'm still smiling. I fell in love with my soft heart. It had c'est enregistré comme ça, hein, je n'y peux rien. George Harrison, vous le savez, était le plus spirituel des Beatles. Spirituel pas dans le sens le plus marrant, parce que les autres aussi étaient drôles, mais spirituel dans le sens amour de Dieu, etc. Donc il avait l'impression que pour atteindre son plein potentiel, il fallait se débarrasser de tout ce qui était inutile. Il en a fait une chanson. Ça s'appelle « I'm in mine » et c'est sur l'album « Let it be » en 1970. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. difficile quand même de concilier le statut de rockstar et puis de plus rien avoir. Hein. Bon. Voici Miss Odell maintenant sur RG. Enfin, dans, en confiné, à la maison en fait, pour être vrai. I'm the only one down here who's got nothing to say about the war or the rice that keeps going astray on its way to Bombay. That smog that keeps polluting up our shores is boring me to tears. Why don't you call me Miss Odell? I'm the only one down here who's got nothing to fear from the wave or the night that keeps rolling on right up to my front porch. The record player's broken on the floor, and Benny can't restore it. Won't you call me Miss Odell? Since I last saw you, I'm the only one down here who's got nothing to say about the hip or the dope or the cat with most hope to fill a pill more. That Persian shoving ringing on my bell, it's not for me tonight. Why don't you call me Miss Odell? Why don't you call me Miss Odell? Lost you since 902. Let's go. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. You know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. La première chanson officielle de George Harrison, époque Beatles, en 1963, sur le deuxième album des Beatles, l'album qui s'appelle With the Beatles. Lors du concert pour George Harrison, organisé par tous ses potes et vraiment très organisé par Eric Clapton, c'est lui qui a rassemblé tout le monde, il y a Joe Brown, un pote donc de George Harrison, qui a chanté une chanson en son hommage à la fin du concert. C'est I'll See You in My Dream, je te verrai dans mes rêves. Long. Twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. They will light my lonely way tonight. I'll see in my dreams. Thank you. Acquire it with some Kruger and subdue. 1982, sur l'album Gantropo, George Harrison, forcément, puisque c'est un spécial George Harrison, et ce titre, That's the way it goes. Vous êtes bien dans la saga des Fab Four, numéro 451C, c'est pour confiner, c'est un home recording, donc quelque chose que j'enregistre à la maison pour les non-anglicistes pendant le confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous. On commente sur le groupe Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. Et il nous reste encore 6 chansons à passer, dont 2 qui seront extraits de l'album All Things Must Pass. Voici la première des 2, What is Life? I feel I can't say 1975, sur l'album Extra Texture, Read All About It, George Harrison, la réponse est à la fin, c'est le titre du morceau, The Answer's at the End. change. First he turned on me, then turned up the nervous system. And you can take a horse to the bottom, but you can't make it dream. Amener le cheval jusqu'à l'eau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. C'est le thème de cette chanson Horse to the Water, l'une des dernières chansons enregistrées par George Harrison et qui n'est pas parue sur un album de George Harrison, mais sur un album de Jules Holland, un copain à lui, encore une fois. Voici le chef-d'œuvre, pour quasiment terminer cette émission, le chef-d'œuvre post-Beatles de Monsieur George Harrison, My Sweet Lord.

terminer cette émission, voici le souvenir de Ringo Starr. Ringo Starr avait composé avec George Harrison la chanson Photograph en 1973. Et à l'origine, c'était un homme qui regarde une photo d'une femme qu'il a aimée et qui n'est plus avec lui et qui regrette qu'elle ne soit plus avec lui. Et il a dit, lorsqu'il a fait ce concert-là, le concert pour George, il a dit « Maintenant, cette chanson n'a plus la même signification pour moi ». Ben oui, il regarde une photo de George Harrison, son pote, et il regrette que George ne soit plus avec lui. Voici Ringo Starr qui chante Photographe pour terminer la saga des Fab Four spéciale George Harrison. C'est terminé. Merci à Jean-Philippe Harrison de nous avoir concocté cette superbe saga spéciale George Harrison. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, puisque le confinement n'est pas terminé, pour la saga des Fab Four numéro 452C. Ce sera une autre aventure, ce sera pour mercredi prochain. A très bientôt, au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, nothing stops the Beatles. Restez chez vous.